France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la Turquie, entre velléité démocratique et reprise en main, surtout reprise en main, en tout cas en ce moment, et nous allons en parler avec notre invité, Ahmet İnsel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes universitaire, économiste et politologue. Vous avez écrit plusieurs livres, dont « La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire », paru aux éditions La Découverte en 2017. Alors, je voudrais reprendre une phrase du début de votre livre. Vous écrivez que pour cette deuxième édition, car c'est une deuxième édition, un chapitre supplémentaire s'impose afin de montrer le glissement progressif de la Turquie vers le chaos, dont le point culminant fut le coup d'État avorté de juillet 2016. Qui est d'ailleurs, pas le coup d'État, mais le fait d'actualiser, c'est aussi notre démarche dans Affaires sensibles. Lorsque nous faisons une rediffusion, comme aujourd'hui, eh bien nous recevons un nouvel invité pour un nouveau regard, un regard actualisé. Et nous y sommes. Le point culminant fut le coup d'État avorté de juillet 2016. Il y a des choses à dire sur ce coup d'État et derrière ce coup d'État. Oui. Aujourd'hui même, ce matin, on vient d'apprendre un réquisitoire déposé par le procureur contre mon ami Osman Kavala, qui est incarcéré depuis 3 ans. Mm-hmm. Et dans ce réquisitoire, on l'accuse d'espionnage et des activités qui vont à l'encontre des intérêts de l'État, en rapport aux événements de Gezi, qu'il considère que, dans ce réquisitoire, le procureur considère que les événements de Gezi étaient une préparation du coup d'État de 2016. Donc, faut m'expliquer, là. C'est voilà, bien compliqué. Si vous lisez le réquisitoire, vous comprenez rien, mais malheureusement, dans l'esprit du pouvoir aujourd'hui, comme la plupart des despotismes nous connaissons, nous savons dans l'histoire que dans la plupart des despotismes et des autocraties, ils ont énormément peur des coups d'État. Et en même temps, ils transforment cette peur comme un moyen de rendre permanent l'état d'exception. Oui, c'est ça. Donc, le coup d'État de 2016 n'était pas un simili-coup d'État. C'était une vraie tentative de coup d'État. Ça, c'est indéniable. Mm-hmm. C'est un coup d'État raté, comme tous les coups d'État ratés. Après, on peut se dire, oui, mais peut-être le gouvernement est manipulé, etc. Oui, parce que ça renforce le gouvernement. Le gouvernement. À qui profite le crime, peut-être au gouvernement lui-même. Oui, mais l'histoire n'est pas aussi simple. C'est un coup d'État raté. Et d'ailleurs, il devrait... Nous savons maintenant que ce coup d'État devrait commencer à 3h du matin, le lendemain matin, mais il y a eu des fuites. Donc, ils ont commencé. Effectivement, si vous commencez un coup d'État un vendredi soir à 21h, vos chars d'assaut sont pris dans les embouteillages. Donc... C'est aussi bête que ça, en fait. Un peu. Pas aussi bête, mais je caricature un peu. Mais c'est un coup d'État qui a raté. Et Tayyip Erdogan, d'ailleurs, a utilisé un mot en rentrant d'une manière très tendue le lendemain du coup d'État à l'aéroport d'Istanbul. Il était en villégiature. Il a échappé probablement à une tentative de maîtrise par les putschistes. Il a dit « Ce coup d'État est une grâce de Dieu. » Ah, comme quoi ? Comme quoi ? Ça nous permet, et ça lui a permis de mettre en place un état d'exception, un état d'urgence, un état d'exception, suspension de l'état de droit, pendant 2 ans, jusqu'en 2018, et avec, dans cette mouvance, la mise en place d'un régime hyper-présidentiel en 2017, dans la mouvance de cet état d'urgence. Une modification de la constitution avec référendum qui est passée de justesse, hein, c'est de 51,7%. Ouais, les conséquences sont importantes. Mais les conséquences sont très importantes. Une autocratie qui se met en place et de plus en plus devient l'état de droit est définitivement suspendu et nous sommes dans un régime autocratique. Hein. Ce que j'avais dit d'ailleurs, dans des régimes autocratiques, les coups d'État, donc ça veut dire que vous reconnaissez, vous, que la Turquie est aujourd'hui un régime autocratique. C'est un régime autocratique. Alors, le terme dictature est très extensif. C'est vrai. Il y a des espaces de liberté qui persistent, mais ce qui est le plus important, c'est que les libertés sont aléatoires. Il n'y a aucune garantie juridique de leur permanence. Vous savez que dans les démocraties, parfois, notamment après des affaires de terrorisme, ont fait entrer dans le droit commun des mesures qui faisaient partie de l'état d'urgence. Même les démocraties peuvent. Alors, évidemment, beaucoup moins. C'est pour ça qu'elles restent des démocraties. C'est ça. Mais elles ont quand même ce spectre-là. Hein, oui, oui, bien sûr. Et le glissement est toujours possible, mais ici, ce n'est plus un glissement. Non, c'est la permanence. Échelle, évidemment, hein, c'est à une autre échelle. Alors, dans un article que vous avez publié dans Le Monde, vous commencez par cette phrase, « Nous refermons la parenthèse ouverte il y a 2 siècles, phrase entendue dans l'entourage d'Erdogan, qui signifierait un objectif affiché, prendre sa revanche sur les occidentalistes et sur l'Occident chrétien, même si ces idées paraissent d'un autre âge. » Les gens y adhèrent ? Une partie de la population adhère. Mmh. Une partie de la population adhère parce qu'aujourd'hui, en Turquie, nous avons 2 courants qui sont en alliance et qui créent une certaine symbiose et qui alimentent le pouvoir et le pouvoir l'alimente en même temps. Toutes ces agitations de Tayyip Erdogan au niveau international et interne, c'est pour l'alimentation de cette symbiose entre une religiosité, l'islamisme d'un côté et ultranationalisme de l'autre. Cette symbiose religieuse nationale, évidemment, c'est une symbiose explosive. Hein, c'est les deux à la fois. Et aujourd'hui, dans la population, malheureusement, soit du côté du nationalisme, soit du côté de l'islamisme, Tayyip Erdogan arrive à maintenir un soutien qui n'est pas un soutien de 80%, de 70%, etc. Mais c'est un soutien qui bascule entre 40 et 50%. Mais pour pouvoir maintenir, avec son régime présidentiel, c'était un peu le piège pour lui. Comme c'est une autocratie élective, il a besoin d'être élu. Et dans cette élection, dans un système proportionnel parlementaire, si vous avez 35-40%, vous avez la majorité. Dans un système présidentiel, vous avez coûte que coûte obligatoirement 50%. 50 plus une voix. Et par conséquent, Tayyip Erdogan, depuis le coup d'État, en faisant passer le régime présidentiel en 2017, il a eu besoin le soutien de l'extrême droite nationaliste. Aujourd'hui, au pouvoir, il n'y a pas que Tayyip Erdogan. Tayyip Erdogan est personnellement à la tête du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. C'est dans ce sens-là que c'est une vraie autocratie. Voilà. Parce qu'il n'y a pas séparation des pouvoirs. Il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Mmh. Et de l'autre côté, celui qui, sans être vraiment au pouvoir, mais qui donne le là, je dirais, d'une certaine manière, à la politique de Tayyip Erdogan, c'est le chef du parti d'extrême droite nationaliste, les fameux loups gris qu'on connaît depuis longue date. Donc cette alliance a été renforcée maintenant par aussi des nationalistes laïcs. Très nationaliste, ultranationaliste laïque, des anciens généraux, etc., qui, dans cette mouvance-là, voudraient, par exemple, récupérer les îles grecques, etc. On va en parler de ça. Donc, au bout du compte, Erdogan est en position de force, vraiment. C'est-à-dire que les éléments se sont cristallisés autour. Il est à la fois en position de force, si on prend en termes de pouvoir réel institutionnel, mais en même temps, il est dépendant désormais. Ouais. Il est dépendant de l'extrême droite nationaliste. Il est dépendant surtout de l'extrême droite nationaliste parce que sans l'apport de voix de 8 à 12% de cette extrême droite nationaliste, Erdogan, à moins de tricher énormément dans les élections, n'a pas la majorité parlementaire. Et juste après avoir écoutez, Mustafa Air Forces, on parlera des desseins de la Turquie sur le plan extérieur et diplomatique. Don't crease your Air Forces, just stay inside tonight. You know what's happening outside. Okay, but you touch your chain. Like if they take it, I won't see you for a while. And I'll tell you how I feel in case it's the last time. You know the odds, you know the flaws. It's all about design. And you go anywhere. I'll be waiting. Ahmet İnsel, on va parler du comportement de la Turquie, enfin du régime turc sur la scène internationale. Est-ce qu'il y a chez Erdogan, et ceux qui sont d'accord avec lui, une volonté d'être le grand frère musulman de la Méditerranée orientale? Oui, il a eu déjà cette velléité durant les printemps arabes en 2011. Et malheureusement, une partie de la presse internationale et des gouvernements occidentaux à l'époque ont participé à la formation de cette velléité en parlant de la Turquie et de Tayyip Erdogan comme l'étoile montante du Proche-Orient, l'islam démocratique, modèle d'islam démocratique, etc. Et à ce moment-là, Tayyip Erdogan s'est vraiment cru d'être un peu le grand frère des frères musulmans d'abord au pouvoir, probablement, mais aussi de grands frères de l'espace arabo-musulman du Proche-Orient. Ça va pas jusqu'au Maroc, oui. Mais ça s'arrête à peu près en Tunisie, grosso modo. Et ça va pas jusqu'à l'Iran non plus. Non, pas du tout. Qui est pas d'accord du tout. Ben, ils sont pas arabes d'abord. Ils sont pas sunnites, ils sont chiites. Mmh. Ça, c'est l'espace arabo-sunnite. Arabo-sunnite, parce qu'arabo-musulman, il y aurait évidemment choses. L'Iran. Mais là, c'est arabo-sunnite. Et Tayyip Erdogan a eu le grand choc, juste quelques jours après avoir écrasé définitivement le mouvement Gezi. On peut revenir du coup à cela. Fin juin 2013, quelques jours après, il y a eu le coup d'État contre le président Morsi en Égypte. Et pour Tayyip Erdogan, ce coup d'État était un peu comme la préparation d'un coup d'État contre lui, de la même manière, par les Occidentaux. Puisque derrière ce coup d'État contre Mursi, d'une manière totalement inattendue, il y avait le président Sisi qui a pris le pouvoir, a été soutenu d'un côté par l'Arabie Saoudite, ce qui était totalement inattendu, des États-Unis, les Occidentaux, et je sais que Tayyip Erdogan a dit, bon, là, il y a quelque chose qui se prépare contre moi. C'est un signal. Ah. Et à partir de là, il y a eu une méfiance. Et les frères musulmans ont commencé à perdre en même temps. Ils ont perdu en Égypte. Ghanouchi a commencé à mettre un peu à être beaucoup plus limité, beaucoup plus modéré en Tunisie, etc. Mais il s'est accroché quand même aux frères musulmans. Et aujourd'hui, une partie importante des dirigeants de frères musulmans sont en Turquie, d'ailleurs. Une des raisons pour lesquelles la Turquie, Tayyip Erdogan, après, a créé une alliance très forte avec Qatar. Justement, la Turquie a créé une base militaire même à Qatar pour protéger Qatar d'une attaque d'Arabie Saoudite. C'est aussi de ce réseau de frères musulmans. En même temps, il veut être le seigneur qui se bat contre les Occidentaux pour les intérêts des musulmans dans le Moyen-Orient, oui. Notamment sur la question palestinienne, c'est plus particulièrement, et en même temps attaquant l'Arabie Saoudite comme quoi il est corrompu avec les États-Unis. Évidemment, cette question-là le met en difficulté aussi dans le monde arabe. Difficile à tenir. Très difficile à tenir. Alors, je voudrais qu'on parle des rapports entre la Turquie et la Russie. Alors, évidemment, comparaison n'est pas raison, mais quand même, on a deux pays qui sont à la recherche d'une splendeur retrouvée, oui. Quelque part. Deux pays qui sont confins de l'Occident et de l'Orient. Deux démocratures ou dictatures, ou autocratie, comme vous disiez. Et quels sont les rapports entre les deux pays qui connaissent une certaine similitude? Ça s'arrête là parce que les dessins sont pas tout à fait les mêmes. Les forces de Poutine sont plus importantes. Beaucoup plus importantes. Les moyens de Poutine sont beaucoup plus importantes en termes économiques, militaires, etc. Mais la Russie essaye de casser l'OTAN. Sa stratégie est de casser l'OTAN. Et aujourd'hui, le point faible, le plus faible de l'OTAN, c'est la Turquie. Évidemment. Et donc, du coup, la Russie a poussé ses pions par rapport aux interdits, aux sanctions qui ont été mis en place par les Occidentaux contre la Turquie en partie. La Russie a poussé ses pions. Mais en même temps, c'est une situation très, très compliquée parce que, en même temps, la Turquie et la Russie sont en dialogue permanent, mais en même temps, les deux pays sont en face-à-face, quasiment militaires, dans deux ou trois régions, en Libye, en Syrie, et très très récemment, maintenant, je dirais, en Azerbaïdjan, dans la guerre, au Karabakh. Donc, c'est une situation où on a l'impression d'être deux chefs de mafia et qui se battent pour le partage du marché, eux-mêmes continuent à déjeuner, dîner entre chefs de mafia de la même famille. Et tombons-nous que certaines personnes comprennent rien. Exactement. c'est compliqué, mais on est là pour essayer d'éclairer tout ça. Le temps passe vite, Ahmed Insel. Je suis infiniment désolé, c'est la fin. J'aurais bien voulu parler encore, notamment de la question chypriote. On en parlera de la question chypriote. Elle est peut-être une dynamite, je ne sais pas. On aura l'occasion d'en reparler. Merci. Infiniment. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la Turquie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Jérémy Guillon qui était à la technique aujourd'hui.